Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et une fois n'est pas coutume, nous allons faire une incursion dans le monde de la philosophie. Nous accueillons Philippe Saint-Germain, je ne sais pas pourquoi j'ai glissé vers Saint-André. Donc il est professeur de philosophie au Collège Hanssink à Montréal et il vient d'écrire un essai à la croisée des chemins entre les arts et la science. Ce livre s'appelle « L'imaginaire de la greffe » et est paru aux éditions Liber dernièrement. Et comme le thème de la greffe est traité, donc comment le thème de la greffe est traité dans la littérature, au cinéma, c'est le sujet de l'essai et ce dont nous allons parler avec Philippe Saint-Germain. Bonjour, Monsieur Saint-Germain. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben de rien, ça fait vraiment plaisir. Alors, le traitement de la greffe dans la littérature et au cinéma, c'est un sujet plutôt insolite. On ne sait pas trop si ça relève de la science, des arts ou de la philosophie, voire même peut-être des fois de la psychologie. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? C'est un projet qui, au fond, a une double origine. La première source, c'est l'intérêt que j'éprouve depuis un certain temps quand même pour les films et les romans dans lesquels la greffe apparaît. Ça, l'indice que j'ai que ça m'a marqué, c'est que plusieurs des films et des romans dont je parle dans l'essai que j'ai vu ou lu pour la première fois à cette époque-là. Je pense entre autres à Frankenstein, L'île du docteur Moreau, le film Les yeux sans visage, entre autres. L'autre chose, par exemple, c'est quelque chose de plus personnel et immédiat, c'est que j'ai été confronté à une greffe de façon plus directe. C'est pas moi qui en ai subi une, c'est ma mère. Il y a 2 ans, après un diagnostic de cancer avancé, on a déterminé qu'il y avait deux moyens de traitement. Il y avait la radiothérapie, d'une part, puis une chirurgie hautement complexe. Ça a duré quand même 10 heures. Il y a eu une greffe, une reconstruction partielle du visage. Ah oui, une greffe importante. Ça a été, disons, une expérience assez troublante. Ça a ramené la greffe dans mon esprit. Puis ce que j'ai essayé de faire, finalement, dans ce projet-là, c'est de combiner ces deux expériences-là de la greffe. Un intérêt pour les conséquences subies par ceux qui reçoivent des greffes, donc ce qu'ils éprouvent dans leur vie, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut traiter ça par le biais de l'imaginaire, de la culture, en supposant que la fiction n'est pas nécessairement opposée au réel, mais ça peut être une façon peut-être d'y revenir d'une autre manière, ou de le repenser. Puis peut-être des fois d'aller plus loin même. Oui, parce que la fiction quand même, ça nous libère parfois du critère de la vraisemblance, puis ça permet des fois de pousser les choses un peu plus loin. Puis à travers donc la littérature, le cinéma, on peut le lire dans votre essai, la greffe a vraiment de multiples visages. Là, et bon, les écrivains, c'est pas comme les chirurgiens, ça se contente pas de greffer un cœur ou un visage, ça va jusqu'à greffer un cerveau, une tête et même bien plus que ça, ils ont de l'imagination. Il y a des greffes, c'est ça pour l'instant, qui sont seulement hypothétiques là, dans la vie de tous les jours. La greffe d'une tête en particulier, je pense qu'il y a des articles souvent qui réapparaissent où on se demande, bon, quand est-ce que ça va être possible? Ben, dans la fiction, ça a été possible depuis un certain temps. C'est ça. Mais c'est surtout fait, bon, pour dans des vues plus... pour provoquer, pour choquer, surprendre d'une certaine façon. Puis, dans mon essai, entre autres, ce que j'ai essayé de faire, c'est une anatomie de la greffe en essayant de voir quels organes en particulier sont souvent transplantés. Puis c'est sûr qu'il y a quelques organes qui semblent avoir une charge symbolique peut-être un petit peu plus grande. Je pense, entre autres, au cerveau. C'est sûr que dans un univers scientifique, c'est le siège de la pensée. C'est par ça qu'on établit des projets, donc il y en a eu plein. Mais il y a aussi les mains. Ça, c'est un motif sur lequel j'ai insisté quelques fois. C'est quand même les outils par lesquels on crée, on fabrique des choses. Quasiment le propre de l'homme aussi, là, la main. Puis un des romans les plus marquants à ce titre-là, ça s'appelle « Les mains d'Orlac ». C'est un roman de Maurice Renard qui est paru en 1920. Puis Orlac, justement, c'est un pianiste qui se fait greffer les mains d'un criminel après avoir subi un accident. Et ça nous lance sur une espèce d'enquête sur son identité aussi, parce qu'il y a des crimes qui sont commis. On retrouve les empreintes de ce criminel-là, mais là, maintenant, ses mains sont sur quelqu'un d'autre. Et les gens commencent à se demander, bon, est-ce qu'il agit selon son propre gré? Est-ce qu'il lui-même a l'impression d'être multiple un peu? Ça, c'est le genre de questionnement, je pense, que dans l'imaginaire de la greffe, ça peut être exploité. Étant donné qu'on essaie de construire des intrigues, on met l'accent sur le suspense, sur quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. On se demande comment la greffe va aboutir, est-ce qu'un personnage est bon ou mauvais? Souvent, on injecte la greffe là-dedans, puis ça fait juste ajouter à des questionnements identitaires de ce type-là. Oui. Puis donc, il y a des greffes d'organes, mais il y a des fois, il y a des greffes, même pas juste des greffes de parties humaines à parties humaines, il y a même des greffes de parties animales, même végétales. Oui, il y a beaucoup d'hybrides. Encore ouais, là, ça, hybrides. Le personnage du docteur Moreau en est un bon exemple. Puis souvent, c'est des personnages qui vivent très retirés, qui font leurs expérimentations à l'écart des autres, humains, mais des autres scientifiques aussi. Puis le docteur Moreau, c'est un cas particulièrement pertinent parce que bon, on sait que le roman où il apparaît, ça s'intitule L'île du docteur Moreau. Donc c'est pas une villa retirée, c'est pas une demeure retirée, c'est une île. Qui est à peu près le meilleur symbole de la solitude qui puisse exister, mais un lieu dans lequel il est libre de faire un peu tout ce qu'il veut. Puis c'est clair que pour lui, la greffe, c'est pas là pour résoudre un problème ou guérir. Hein. C'est plutôt d'essayer d'innover, d'inventer, de créer des êtres selon son plaisir. Hein. C'est vraiment un aspect créatif dans tout ça. Puis là, donc, le docteur Moreau est retiré sur son île, mais même dans les autres cas, finalement, le chirurgien ou la personne qui fait la greffe dans les romans ou au cinéma, ça se passe pas dans un hôpital bien clair et... C'est une certaine image du savant fou, peut-être. Du savant fou, c'est que le laboratoire... Le laboratoire clandestin, on sait pas trop. Ça devient un peu un atelier d'artiste. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le corps devient une matière première, souvent, pour ces personnages-là. Et là, justement, c'est que la partie réparatrice de la greffe, qui est peut-être la plus importante dans les greffes réelles, si on pratique des greffes, essentiellement, c'est pour ramener le corps à la normale. C'est ça. Pour guérir, ou même la chirurgie esthétique, où il n'est pas question de vie ou de mort. On combat la vieillesse, on essaie de ramener le corps à un état antérieur. Ça va un peu avec la médecine aussi, qui a cette fonction-là. Mais il y a aussi un caractère d'innovation dans la greffe. Il y a des recherches qui se font. Le progrès scientifique suppose qu'on veut toujours repousser les limites, aller plus loin. Et ça, dans les greffes fictives, c'est cet aspect-là souvent qui domine. C'est avec quelqu'un comme Frankenstein, par exemple. C'est vrai. Qui veut créer un être artificiellement à partir de cadavres. Là, il n'est plus question de guérir ou de régler un problème. C'est d'essayer de voir jusqu'où ce que l'être humain peut aller. C'est l'idée du post-humain aussi, là, d'aller au-delà des limites qu'on a données traditionnellement à l'être humain. Donc c'est ça, c'est qu'on ne fait pas juste restaurer une fonction, mais on va au-delà, puis des fois, on va jusqu'à créer des monstres, dans le cas de Frankenstein ou de l'île du docteur Moreau, on va juste créer des créatures. Puis si c'est des savants fous, au fond, c'est peut-être justement parce qu'on estime qu'ils négligent un peu le caractère réparateur. T'sais, c'est des gens qui se laissent mener par l'ambition, la soif de la gloire ou de l'ambition personnelle, et là, il s'agit de créer quelque chose de plus parfait ou de plus avancé. Ouais. Et puis, il y a tout le thème aussi du greffon rebelle aussi que vous traitez. Donc, vous l'avez traité un petit peu avec la main d'Orlac, là. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas mal le motif dominant. C'est pour ça que c'est même le chapitre le plus long. Puis le sous-titre du livre, Le même et l'autre dans la peau, fait un peu référence à ça. Donc, c'est une idée qui, scientifiquement, n'est pas vraiment accréditée. C'est l'idée de la mémoire cellulaire ou l'idée selon laquelle le greffon apporterait quelque chose au greffé qu'il ne possédait pas. Mais dans la fiction, souvent, on a des personnages qui, une fois greffés, ont l'impression d'agir, d'être possédés par quelqu'un, ou de rester eux-mêmes, mais en même temps devenir quelqu'un d'autre. Et ça, donc même si scientifiquement ça fonctionne pas, ça répond quand même à une espèce de questionnement qu'on retrouve, même des fois dans des témoignages sur des greffes réelles. Je me suis servi, entre autres, un petit peu d'un livre d'un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Nancy. Ça s'appelle L'intrus. Puis c'est quelqu'un qui a reçu une greffe du cœur, Jean-Luc Nancy, puis qui se questionne justement sur l'effet que ça peut avoir sur lui. Donc, il n'est pas question de se dire, bon, est-ce que je porte vraiment le propriétaire initial du greffon? Mais psychologiquement, en tout cas, il y a comme l'impression d'une intrusion, d'une espèce de scission intérieure. Puis la fiction permet de pousser ça très loin. Ça génère du suspense aussi. Donc, c'est pas qui est le personnage, il agit pourquoi, dans quel but, qui est-il au juste. C'est un genre de questionnement qui peut affecter même des greffés là, dans la vie de tous les jours. Mais même avec, justement, les greffes de visage, parce que le visage, c'est tellement l'identité, c'est ce qu'on projette tellement à l'autre qu'on change de visage. Bon, est-ce qu'on est encore nous-mêmes? Les gens, puis sûrement que vous avez, on ne va pas rentrer dans les détails-là, on ne va pas étaler votre vie privée, mais certainement que tous les gens qui subissent ces grèves-là se posent des questions-là. Puis, il y a un autre exemple aussi que vous traitez dans votre livre qui est vraiment impressionnant, c'est Who is Julia aussi, qui est une greffe de cerveau. Deux femmes, ça c'est vraiment, on ne sait plus qui est qui là. Puis ça c'est une greffe compliquée, c'est ça, c'est que dans le fond il y a quelqu'un qui y a un accident qui se produit, Et là, on greffe le cerveau d'une femme dans le corps d'une autre. Mais, justement, c'est la question de savoir qui est Julia vraiment. Est-ce que c'est celle dont le corps a survécu, bien que la vie n'était plus là? Ou est-ce que c'est la personne qui a le cerveau? Puis le parti pris, généralement, c'est justement, c'est un parti pris d'intériorité. On va appeler Julia la femme qui possède le cerveau de cette femme-là. Donc, c'est comme, pourtant, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est le corps, toujours, qui est le plus important, mais la greffe finit par agir à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc, puis quand il est question de la perception de soi, d'essayer de savoir qui on est, mais là, c'est le corps et le visage, c'est une chose, mais ça va encore plus loin. Ah oui, puis il y a toutes les personnes autour, parce que là, ces deux femmes-là avaient chacune un mari, donc là, et qui sont toujours en vide, et maintenant, les deux femmes sont dans le même corps, donc toutes les questions que l'entourage se pose également, donc ça dépasse. Parce que la perception, c'est clair. Quand on parle de retour à la normalité, même avec la greffe, c'est à la fois la façon que le greffé se comprend, mais aussi comment il est vu. Puis le climat social qui est autour aussi. Et vous en avez glissé un mot, mais la greffe peut aller plus loin. On pense au post-humanisme, donc d'ajouter des fonctions. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans la littérature. Oui. Dans la réalité, on n'en est peut-être pas encore tout à fait là, mais dans la littérature... Comme moyen de reconfigurer l'être humain. En tout cas, de percevoir le corps comme quelque chose de transformable, malléable, puis qui peut être amélioré et poussé plus loin. Vers un surhumain ou une sur... Oui, ça peut faire partie de ça. Puis souvent, c'est clair que les greffes fictives vont dévier en cours de route puis pas correspondre au projet de base, mais souvent cette ambition-là qu'incarne par exemple les savants fous de la littérature et du cinéma, il y a souvent cette idée-là de rendre l'être humain plus parfait, immortel ou des choses comme ça. Mais les conséquences, bien sûr, sont rarement agréables et qu'il faut générer un peu d'incertitude et d'intérêt auprès des spectateurs, tandis que dans les greffes réelles, il y a une exigence éthique et morale, entre autres, qui est quand même plus grande, qui ne permet pas autant de choses. Oui, oui, oui. Et puis finalement, on s'aperçoit, en lisant votre essai, puis tous ces écrits sur les greffes, on s'aperçoit que finalement, la greffe, ce n'est pas juste l'opération en elle-même, que même quand l'opération est terminée, c'est jamais fini pour la personne greffée, la personne qui a reçu un greffon, ça se poursuit. Puis même la cicatrice s'incarne ça déjà un peu. C'est les traces d'une opération qui, oui, c'est clair que les premiers moments, par exemple, pour que le greffon prenne comme il faut, les premiers moments sont déterminants, mais les questionnements sur soi, la perception qu'on a nous-mêmes, ça finit pas avec l'opération. Exactement. Ça dure toute une vie. Ouais. Ça peut être affecté aussi par plein de facteurs extérieurs, par des événements vécus, par les images qui nous sont envoyées aussi dans différents discours. Alors, c'est tout ce qu'on découvre à travers votre essai. Donc, c'est un essai. Philippe Saint-Germain est philosophe, mais je peux vous rassurer, je n'ai pas de formation philosophique et je suis passé à travers de l'essai. J'ai compris, mais il faut dire que Philippe Saint-Germain emploie un vocabulaire facile et nous rappelle, nous met dans le contexte de chaque livre qu'il décortique. Donc, c'est très intéressant. On découvre toutes sortes d'aspects sur la greffe. Donc, merci beaucoup, Monsieur Saint-Germain, d'être venu nous faire part de vos réflexions sur la greffe et, ce faisant, de nous avoir emmenés à la frontière de la science, de l'art et de la philosophie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au Collège Hansik à Montréal et que ce livre, donc, L'imaginaire de la greffe, est paru aux éditions Libère. On passe en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, ce sera au tour de Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, qui dérogera un peu de son thème aujourd'hui pour nous emmener à la frontière de la science et du jeu.